Yeah. Sous Jack Soumier. Sous Vodka Soumier. Yeah. C'est le freestyle du Viano. Malikou Chouchabat. Wouh. Sous Jack Soumier. Sous Vodka Soumier. Dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rabat. On est rabat. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rabat. On est rabat. Sous Jack, sous miel. Sous Jack, sous miel. Sous vodka, sous miel. Sous vodka, sous miel. Jou, sous miel. Adieu, sous miel. Ouais, c'est bon. Ouh. À la base, ce sont c'est un délire, mais je sais qui va casser des dents. Ah. Vodka, Jack, miel, mes gars sont trop dedans. Merde. Avec nous, pas de litige, on mélange la tise avec de l'essence. Ah bon? Chez nous, y'a tout qui est noir, des revues blancos, c'est ça le métissage. Yeah. Et comme t'es pas méchant, t'auras juste un grain de chance. Peut-être. Juste une alerte alléchante, on verra ton cadavre sur les champs. C'est sûr. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, je répète, je suis rapaz. Je répète. Mon essence, le miel. Yeah. Ta mère, c'est miel. Yeah. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rapaz. On est rapaz. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rapaz. On est rapaz. Sous Jack, sous miel. Sous Jack, sous miel. Sous vodka, sous miel. Sous vodka, sous miel. Jou, sous miel. Adieu, sous miel. Ouais, c'est bon. Ouh. Ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah. Je raconte la merde. Je raconte la merde. Ah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah. En vrai, je m'en bats les couilles. Putain. Dans mon plat, j'ai de l'énergie, mieux que dans des piles, c'est ça qui me saoule. Et comme je suis bien rébave, mon attitude, tu la ressens dans mon clip. Y'a qui dans la chop? Yeah. Ta meuf est bienvenue dans la chop. Yo. Mounir démarre la chop. T'inquiète, là c'est qui est toujours dans la chop. Yeah. Père d'Alain, j'ai le nez qui fait perdre ta langue. Et mon chauffeur à la médaille. Et quand je suis d'ailleurs, je viens d'ailleurs. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rabat. On est rabat. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rabat. On est rabat. Sous Jack, sous miel. Sous Jack, sous miel. Sous vodka, sous miel.